de drogue, etc., etc. On est très content d'être ici parmi vous ce matin. Ça se fait plusieurs années, là, je pense, depuis la dernière fois on est venu ici à Victoriaville. Et puis aussi, on aimerait présenter un peu de notre ministère, de qu'est-ce qu'on fait. Et puis après aussi, j'aimerais partager dans la parole comment Dieu nous influence et puis nous guide dans notre ministère. Alors, pour commencer, le nom de notre ministère est PAX, Communauté de rue. Le nom PAX, on a choisi, mais c'est fait, Myriam et moi, on fait le ministère dans la rue depuis 1993. Alors, en 1998, on se fait joindre à l'Association d'Église baptiste, l'association dans laquelle vous appartient, pour nous chapeauter en faisant le ministère sur la rue. Puis là, on ne voulait pas que le ministère soit connu, le ministère de Dwayne et Myriam, parce qu'éventuellement, on ne serait plus là. Puis on veut que le ministère continue, on veut que c'est quelque chose qui grandit. Alors, on cherchait pour un nom. Et puis, dans notre ministère, comme dans plusieurs missions, on a besoin de chercher notre soutien financier. Alors, on a les partenaires financiers qui sont anglophones. On a les partenaires financiers qui sont québécois. Et puis, alors, on voulait chercher, on ne voulait pas choisir un nom juste en anglophone parce que c'est insultant pour les Québécois. Puis, on ne voulait pas non plus choisir juste un nom français parce que les Anglais, ils ont la misère de comprendre des fois. Alors là, on a finalement choisi un nom qui est en latin. Alors, si on va insulter un, on va insulter les deux en même temps. Alors, on a choisi PAX. Pax, en latin, ça veut dire paix. Et puis souvent dans le Nouveau Testament, quand le mot paix est utilisé, ça ne veut pas dire paix comme des fois que nous autres on pense dans le temps moderne. On pense paix, ça veut dire sans violence. Mais le paix, quand c'est utilisé dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, ça ne veut pas dire la non-violence, ça veut dire de réunir deux choses qui étaient déchirées. De réunir deux choses qui étaient séparées. Et puis, on voit vraiment ça comme la base de notre ministère. Notre ministère, c'est aider la communauté de rue, réunir avec Dieu, réunir avec la société et réunir avec le monde autour d'eux. Alors, et puis, comme on dit sur le PAX Communauté de rue, est un ministère qui existe pour aider les itinérants et marginaux de Montréal à développer les liens avec Dieu, avec les autres et avec le monde. La perte d'identité, santé mentale, troubles de la personnalité, toxicomanie et détresse économique sont la réalité de tous les jours parmi cette population. Donc, la détresse causée par une vie éloignée de Dieu est la plus importante. PAX existe non seulement pour assurer l'accès pour la communauté de rue aux services sociaux et de la santé, mais aussi afin d'assurer qu'ils réalisent l'accès qu'ils ont à l'Éternel par intermédiaire de Jésus-Christ. Tous les jours, on y va sur la rue, on rentre notre vision pour le ministère, ce n'est pas demander aux communautés de rue de venir vers nous. On veut aller vers eux autres. On veut aller où ils sont, sous les rues, dans les ruelles, n'importe où ils sont, dans les métros. Là, on va aller leur voir où ils sont. Et puis, vraiment, notre but, c'est de commencer de le connaître. De connaître pour qui ils sont, qui il est. Puis, dans ça, en leur connaissant, on aimerait voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Parce que moi, je crois sincèrement puis profondément que Dieu est en train de travailler dans la vie de tout le monde sur Terre. S'ils réalisent ou non, c'est différent, mais je vois comme notre ministère, c'est d'approcher le monde, de voir où Dieu est en train de travailler, et puis on prie que Dieu nous utilise pour faire avancer ce travail-là dans leur vie. Notre ministère, comme je disais, on commençait en 93. En 98, on a demandé, quand on a commencé notre ministère, c'était pour Opération Mobilisation qu'on a commencé. Et puis, Opération Mobilisation, c'est un organisme chrétien paraiglésiastique. Mais une chose que Myriam et moi, on voyait, c'est que souvent, les églises, ils nous disaient, « Ah, nous autres, on n'est pas capable de faire, ou nous autres, on ne veut pas le faire, alors c'est bien que vous êtes là. » Puis on trouvait ça pas bien. Parce que pour nous, c'était responsabilité de l'église locale d'être actif dans cette communauté-là. Alors, on a senti un appel d'approcher l'église locale. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé à l'association de nous prendre comme ministère pour qu'on soit redevable à l'association d'église. Mais aussi, j'avais une autre idée là-dedans. Je dis, si nous autres, on est redevables à les églises, ça veut dire que les églises, ils vont être redevables à nous aussi. Alors, on peut leur parler pour la communauté de rue. Puis là, c'est pour depuis 1998, on était soutenu, on était pris en charge par l'association. Et puis, je dis, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a passé les bons temps avec l'association, mais nous autres, on causait un problème dans l'association. Ils ne savaient pas où de nous mettre. Il fit pas nécessairement dans l'implantation d'église. Il ne fit pas nécessairement dans les missions, parce que les missions, c'est étranger. Il ne fit pas nécessairement, il ne savait pas où de nous mettre pour notre ministère. Et puis, pour plusieurs années, il ne savait pas d'où nous mettre, mais il nous gardait. C'est ça, j'étais tellement content. Il nous gardait, malgré qu'on ne fitait nulle part, il nous tenait. Et puis, ils avaient vraiment un cœur pour le ministère. Finalement, en 2014, le Fellowship National, qui est notre association d'église nationale, ils ont décidé de changer leur vision pour l'aumônerie. Ils voulaient changer c'est quoi un aumônier. Alors, avant, on avait les aumôniers dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les aéroports, et puis dans les aumôniers traditionnels qu'on connaît. Mais en 2014, le fellowship a réfléchi sur la vision d'aumôniers. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de changer? Ils disent, les aumôniers, c'est les personnes qu'ils ont dans une communauté où l'Église a très peu ou pas du tout d'accès. Alors, cette vision-là, ça inclut toujours les aumôniers de l'armée, parce qu'une église, il ne peut pas juste aller sur une base d'armée et puis commencer un ministère. Alors, mais un aumônier, il a l'accès à l'armée. Les hôpitaux, la même chose. Les écoles, de plus en plus, on voit dans la société québécoise, on est fermé d'accès dans les places comme ça. Sauf que les aumôniers, ils ont toujours un accès, ils ont toujours une porte ouverte. Et là, ils voulaient élargir la vision que ça inclut juste pas ces places traditionnelles, mais ça inclut aussi les places comme la communauté de rue. L'église locale, même que physiquement, il peut aller sur la rue quand il veut, ils ont très peu d'accès à la communauté sur la rue. Alors, notre ministère, on est capable de donner cet accès-là à l'église locale. Dans une partie de notre ministère, c'est d'aider, équiper et relier les croyants et les églises locales. On est aide d'équipe. Souvent, on a les églises qui sont intéressées d'aller en dehors de leurs quatre murs. Ils veulent aller dans la communauté. Ils veulent servir le monde autour d'eux. Et puis souvent, ils veulent servir les personnes qui sont un peu plus marginalisées qui sont autour d'eux. Alors, on a les différentes programme qu'on fait avec l'Église locale pour leur aider dans ces démarches-là. On a la marche de compassion, qui est une marche qui prend à peu près 4-5 heures de temps, qu'on invite un groupe d'une église chez nous, en centre-ville à Montréal, puis on les envoie deux par deux pour y aller observer. Mais on leur donne un questionnaire d'aider guider leurs observations, parce que souvent, je suis sûr que tout le monde ici est déjà venu à Montréal, est déjà venu au centre-ville, mais souvent quand on y va, mais on y va pour faire le magasinage, on y va pour voir une show, spécialement ces temps-ci, on y va pour les festivals ou les différents. Et puis, on ne voit pas nécessairement la communauté de rue qui est vraiment là. Alors, avec ce groupe-là, on leur dit non, on ne va pas pour regarder les choses touristiques, on vient pour garder la communauté, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et puis après ça, on fait un genre de debriefing, on dit en anglais, mais un debriefing chez nous pour discuter qu'est-ce qu'on voyait. Et puis aussi, pendant la marche, on demande à le monde d'essayer de voir la communauté avec les yeux de Dieu, pour qu'ils voient le cœur de Dieu pour cette communauté-là. On fait la semaine de compassion, qui est comme un peu comme la marche de compassion, mais plus large et puis plus intensif. Et puis aussi qui inclut, c'est inclus d'amener les groupes dans les organismes communautaires qui travaillent parmi la population de rue. Une de les places qu'on amène les églises, c'est dans un centre de soir pour les travailleurs de sexe dans le village gay. Alors, et puis l'Église, il va aller là pour aider le centre, le nettoyer, de faire les choses, et puis interagir avec les gars qui sont là. On fait aussi la consultation et supervision clinique pour les groupes. Les buts de les marches de compassion puis la semaine de compassion, ce n'est pas d'avoir le monde qui vient travailler avec nous, mais on veut encourager l'Église pour quand ils retournent chez eux, qui fait la même chose chez eux pour voir. Parce que toutes les villes, tous les villages, ils ont les populations qui sont marginalisées dedans. À Montréal, c'est évident, on les voit. Comme le frère de Myriam dit, quand il vient nous visiter, il dit « Ah, j'aime ça venir à Montréal ». Lui, il vient de Saint-Élie-d'Orford. Il dit « Chez nous, on a un fou de village ». Il dit « Vous autres, t'as un fou de village chaque coin de rue, là ». Mais ici, à Montréal, c'est plus évident, mais sauf que ça existe aussi ailleurs. Moi, je viens d'une petite ville en Ontario, Pembroke, et puis il y a les villages autour, puis c'est souvent comme je dis au monde, je parle avec un itinérant à Montréal qui habite dans une cabane, dans une ruelle. Puis, je parle à les personnes que je connais qui habitent dans les bois autour de Pembroke, qui sont dans une cabane dans Pembroke, mais sont isolées aussi. Puis, toutes les deux, ils ont la même, c'est comme les mêmes conversations. Il n'y a pas de différence. Ils ont la même façon de voir le monde. Sauf le monsieur dans la cabane, dans le bois, souvent, il y a trois guns avec lui, là, puis dans la ruelle, ils n'ont pas. Alors, c'est... Alors, c'est ça, on aimerait que les églises ils voient comment les différentes façons qu'ils peuvent rejoindre les communautés autour d'eux autres. Et puis, on offre une consultation puis une supervision clinique pour aider quand il y a des questions, quand il y a des problèmes, qu'on pourrait être là pour aider les églises à grandir dans ça. Aussi, avec le changement dans le fellowship pour l'aumônerie, aussi, il y a Sam Beck qui est en train de mettre sur place un nouveau programme de baccalauréat en aumônerie. Alors, c'est un nouveau cours qui est offert à Sam Beck. Il va avoir les cours individuels. Tu peux voir, peut prendre un programme de certificat ou un programme de baccalauréat pour l'aumônerie. Et puis, en octobre, cette année, on va avoir le premier cours de ce programme-là, qui est la vision biblique de la justice et de la pauvreté. La Bible est pleine des passages qui parlent de la pauvreté et de la justice. Est-ce que le monde a une idée combien de passages parlent de la pauvreté et justice dans la Bible? Non? Il y a plus que 2000 passages dans la Bible qui parlent de pauvreté. On voit là, s'il y a plus de 2000 passages, ça doit être parce que Dieu trouve que c'est important qu'on apprenne sur la pauvreté et la justice. Mais souvent, ce n'est pas un sujet qu'on entend souvent dans nos églises ou même dans nos séminaires, dans nos collèges. Alors, ça va être un cours sur la vision biblique de la justice et de la pauvreté. Et puis, c'est l'enseignante, le professeur, c'est Dr. Rick Tobias. Rick, c'est un bon ami puis un mentor de moi et Myriam. C'est une de les personnes au début de notre ministère nous avons influencé le plus dans la façon qu'on fait notre ministère. Je te dis, là, si tu vas entendre quelqu'un parler de la pauvreté et de la justice, il n'y a personne au Canada mieux que Rick là-dessus. Alors, on est vraiment, vraiment bénis d'être capable de lui avoir venir comme professeur là, pour cette cour-là. Rick est au Canada l'un des plus célèbres défenseurs des personnes caractérisées par la pauvreté et l'exclusion. Il était pour plusieurs années le directeur et CEO de Yonge Street Mission à Toronto. Et puis, il faut dire, c'est lui qui, pour la plupart des ministères chrétiens qui travaillent parmi les populations pauvres, marginalisées, c'est Rick qui a influencé la plupart du monde là-dedans. Voilà. Aussi, dans notre ministère, on croit d'être très actif dans la communauté, dans qu'est-ce qu'on fait. Alors, pour ça, on fait partie de différentes tables de concertation, différents comités. Il y a la table de concertation d'anciens militaires sans-abri. C'est une table qui est faite par le Respect Campaign. Le Respect Campaign, c'est les choses jaunes, là, les ribbons jaunes qu'on voit. Ça, c'est le Respect Campaign qui a commencé ça. Puis eux autres aussi, ils commençaient d'être inquiets à cause des vétérans, anciens militaires qui se trouvent sur la rue, parce qu'on commence d'en voir plus en plus. Là. Alors, ils m'invitaient de faire partie de la table de concertation pour leur aider de comment de travailler avec les anciens militaires qui se trouvent sur la rue. Je fais la recherche et consultation pour la Maison de Paix, qui est un de les trois plus gros refuges pour les gars sans-abri à Montréal. On est membre de la TRUC. La TRUC, c'est l'Association des travailleurs et travailleuses de rue de Québec. Et puis aussi, je préside sur le conseil d'administration de CIDELIS, qui est une organisation qui gère deux maisons d'hébergement et un bloc d'appartements à prix modique pour les CIDéens. En fait, CIDELIS, notre clientèle, on a décidé de choisir une clientèle qui est rejetée partout ailleurs. Alors, c'est oui, les personnes ont besoin d'être CIDéens, mais aussi il faut qu'ils soient toxicomanes actifs, il faut qu'ils aient un problème de santé mentale, puis il faut qu'ils soient en train de vivre une situation d'itinérance. Alors, c'est les quatre critères pour entrer dans la maison. Alors, puis on a choisi ces critères-là parce que c'est les critères qui font que le monde sont rejetés partout d'ailleurs. Dans d'autres maisons pour les CIDéens, si quelqu'un est toxicomane, et souvent, la personne ne peut pas consommer, ils ne peuvent pas être toxicomane, rentrer sous ou en consommation dans la maison, alors ils mettent dehors. Ou si quelqu'un est dans un hébergement pour les personnes de santé mentale, puis il y a le sida, ça cause des problèmes aussi. Alors, on voulait prendre ces personnes-là puis être une maison pour eux autres. Alors. Et puis aussi, juste pour ajouter, il y a une nouvelle chose qu'on a négociée cette semaine. Vous avez entendu parler de la Centre pour la prévention de radicalisation qui amène à la violence. c'est un nouveau centre à Montréal, pour en fait de faire ce que leur nom dit, de prévenir la radicalisation. Alors, c'est un centre que si quelqu'un a peur que leur enfant, un étudiant, un ami est en train d'être radicalisé par un groupe quelconque, ils informent le centre. Le centre, il va faire une évaluation et puis il fait les choses nécessaires pour prévenir cette radicalisation-là. Mais souvent, le centre, après de faire une évaluation, il voit qu'il n'y a pas de danger de radicalisation. Mais il voit que la personne a les gros besoins quand même. Puis il ne veut pas juste laisser la personne toute seule. Alors, on a juste négocié un contrat avec eux autres pour qu'ils nous appellent. Quand c'est le cas, ils nous appellent et puis on continue le suivi qu'ils ont commencé. Alors, on est très contents pour ça. Puis ça donne une bonne opportunité. Pour continuer le ministère dans ce sens-là. Maintenant, pour parler un peu de qu'est-ce que nous inspire dans la Bible, j'aimerais que vous ouvriez vos applications de la Bible. Et à Ésaïe 58. Comme j'ai parlé avant, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de la pauvreté et la justice. Mais pour moi, l'Ésaïe 58, c'est un de les passages que, depuis le début de mon ministère, me met à le défi. Je réfléchis là-dessus, puis je continue, faire les réflexions. Et puis... Alors, j'aimerais que vous allez là. Puis, Ésaïe 58, je ne vais pas partager tout le chapitre, mais pour dire un peu d'arrière-plan. En Ésaïe 58, tu as le peuple d'Israël qui cherche Dieu. Il cherche une réponse de Dieu. Et puis, alors, pour avoir une réponse de Dieu, il fait tout ce qu'il croit que c'est religieusement nécessaire pour que Dieu réponde, ils sont en train de faire. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, puis ils cherchent Dieu. Puis, mais là, après quelque temps, ils n'ont toujours pas une réponse. Dieu ne les répond pas. Et puis, après quelque temps que Dieu ne répond pas, ils commencent d'être frustrés. Ils commencent de crier à Dieu pour dire, « Pourquoi tu ne réponds pas? » On prie, on jeûne, on cherche ta face, tu ne réponds pas. Pourquoi? Puis là, Dieu les répond. Puis il leur dit, comment tu veux que je vous réponde quand même que tu jeûnes, même que tu pries, même que tu jeûnes, tu as les personnes qui ont faim parmi vous, puis tu ne les donnes pas la nourriture. Tu as les personnes qui sont nues parmi vous, puis ne vous donne pas les vêtements. Vous continuez d'opprimer vos travailleurs, tu continues de faire tout ça pendant que tu jeûnes. Ce n'est pas un jeûne que je trouve plaisant. Puis il commence de dire, voici un jeûne qui est acceptable au Seigneur. Quand tu donnes la nourriture aux faim, quand tu donnes les vêtements aux personnes qui sont nues, quand tu traites équitablement vos travailleurs, ça, c'est un jeûne. Puis là, dans Ésaïe 58, 10, ils disent quelque chose de spécial. J'ai Ésaïe 58, 10, puis j'utilise la version de Darby. Il dit, « Si tu prodigues ton âme à l'affamé et que tu ressaisis l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité serait comme le midi. » Maintenant, je sais, dépendant quelle version que vous avez devant toi, il y a les différents mots qui sont utilisés pour l'âme dans les Ésaïe 58:10. Il y a certaines versions qui disent « si tu donnes ton pain à celui qui a faim », il y a d'autres versions qui disent « si tu donnes de toi-même à celui qui a faim », si tu donnes ton propre subsistance à celui qui a faim ». Mais le mot « l'âme » qui est utilisé ici en hébreu, C'est le mot en hébreu, ça veut dire l'âme. Et ça veut dire l'âme, mais ce n'est pas nécessairement l'âme qu'on pense ici dans l'Occident. L'âme qui est utilisée, c'est plutôt l'âme dans le sens de ta source de vie. Alors, ça veut dire que si tu donnes ta source, ta propre source de vie à celui qui a faim. Mais mon question avec tout ça, c'est, arrive, qu'est-ce que ça veut dire de donner ton âme à quelqu'un? Parce que souvent, qu'on pense d'aller donner l'aide aux gars sur la rue ou à la communauté de rue, tout de suite, on pense de faire les sandwichs, de donner les sandwichs. Est-ce que de donner un sandwich de fromage à quelqu'un, c'est de donner ton âme? Non, je ne pense pas. Ou si, des fois, on pense d'aider les pauvres, puis on va écrire un chèque, là, puis on donne. Est-ce que de donner l'argent, c'est de donner ton âme? Non. Dans certaines églises aux États, je crois que le monde peut dire oui, mais ici, non. C'est pas ça. Mais, alors, ça amène la question, qu'est-ce que ça veut dire de donner ton âme à quelqu'un? Puis, pour trouver la réponse, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de regarder la vie de Jésus dans les évangiles. Comment est-ce que Jésus a interagi avec le monde? Parce que s'il y a quelqu'un qui était sur terre, qu'ils ont vraiment donné l'âme et puis donné l'âme au complet, c'est Jésus qui nous avons donné. Alors, dans l'Évangile, il y a plusieurs passages qui parlent de, puis qui nous peuvent enseigner de c'est quoi de donner ton âme. Puis, j'aimerais partager avec vous autres un de ces passages. Ça se trouve dans Luc, Luc 16, puis Luc chapitre 16, verset 10. Puis dans Luc 16, 10, il dit, « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans un grand. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans un grand. » J'aimerais vous parler des petites affaires. Je veux vous parler de petites affaires parce que je pense souvent dans nos églises, on néglige les petites affaires. On ne pense pas qu'il vaut grand-chose, les petites affaires. Quand on pense à les problèmes comme l'itinérance, comme la pauvreté, c'est les tellement immenses problèmes qu'on a misère de croire qu'une petite affaire peut vraiment faire une grande différence dans un problème comme ça. On pense toujours, pour aider le monde, il faut que ce soit une grosse affaire. Il faut que ce soit un gros effort pour aider le monde. Puis souvent, on oublie que les petites affaires, c'est vraiment quelque chose. Je veux utiliser différents exemples pour voir pour les petites affaires. Souvent, dans les rues, quand on promène puis on parle avec le monde, on a les groupes qui donnent la nourriture, on a les groupes qui donnent les vêtements, mais souvent, qu'est-ce que les gars sur la rue nous disent, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? C'est quand le monde arrête avec eux autres juste pour jaser. Juste pour parler de n'importe quoi, le pluie puis le beau temps. Il y avait une fois une jeune qui était sur la rue, je promenais sur la rue, puis j'étais allé voir une gang de jeunes que je connaissais. Puis il y avait un nouveau jeune qui était là. Alors je me présentais, je dis bonjour, c'est Dwayne. Puis il dit Dwayne, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que c'est une chose, il faut dire, là. Quand tu approches quelqu'un sur la rue, la première pensée qu'ils ont, c'est pas qu'ils ne te disent pas, mais c'est presque 100% le temps, la première pensée qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Alors, il dit, prochain, Dwayne, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, mais je suis travailleur de rue. Et puis, ils disent, ah, mais tu travailles pour qui? Et puis, je dis, mais je travaille pour les églises baptistes. Ah non, je dis, je travaille pour les églises. Et puis, il dit, ah, il dit, j'aime pas les églises. Il dit, ah, mais si souvent, quand le monde ici au Québec dit ça, moi, j'ai présumé, il voulait dire les églises catholiques. Parce que c'est ça l'idée de l'Église, la plupart des Québécois, ils ont. Alors, je dis, ah, mais moi, c'est les églises baptistes que je travaille pour. Il dit, ah, les églises baptistes sont les pires. Alors, j'ai juste lassé comme ça, mais j'ai dit, mais bonjour quand même. Et puis, c'est ça. Mais chaque fois après ça, pour le temps, les temps après ça, chaque fois que je voyais cette jeune-là sur la rue, je disais allô. Je n'arrêtais pas nécessairement de parler, mais j'ai assuré que chaque fois que je voyais, que quand je passais, je disais allô. Puis là, à un moment donné, après un temps, il commençait de dire allô en retour. Puis après un peu de temps de ça, l'allô a tourné de comment ça va, puis c'est tourné. Puis, je dois dire, à peu près 6 mois après cette première contact, on commençait d'avoir une bonne relation ensemble, on commençait d'être des amis. Puis là, c'est arrivé là, que c'était une soirée d'hiver, que c'était assez froid. Et puis, j'allais voir, moi et Myriam, on marchait, puis on voyait cette jeune-là. Et puis, on arrêtait, « Hey, comment ça va? » Puis, on commençait de parler. Puis, à un moment donné, là, je lui dis, « Hey, quand je t'ai vu, là, ça fait 6 mois, tu me disais que les baptistes sont les pires églises de tout. » Et puis là, il commençait d'être un peu gêné. Puis, il dit, « Oui, oui, j'ai dit ça. » Je lui dis, « Mais pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie que, pour toi, c'est ça? » Et puis, il commençait de me rencontrer une histoire qu'il était dans le système de DPJ, il était dans les familles d'accueil. Puis, comme plusieurs jeunes dans les familles d'accueil, il allait de famille d'accueil, famille d'accueil. Puis, une de ces familles d'accueil, c'était une famille soi-disant baptiste là, pour la chose. Et puis, il m'expliquait comment il était forcé de lire les passages de Bible pendant qu'il était là, puis s'il ne lisait pas, s'il ne priait pas, il était battu par le père de la famille. Alors, on peut bien voir pourquoi il pensait que les baptistes étaient les pires de toutes. Là. Il avait raison, parce que qu'est-ce qu'il savait de l'église, de les chrétiens baptistes, et c'est sûr que c'était la pire. Mais après, il a vite dit, « Mais Dwayne, je sais que toi et Myriam, vous n'êtes pas comme ça. » Et puis, puis là, j'ai arrêté, puis j'ai dit, « Mais attends, là. » Non, je dis, « Je ne suis pas comme ça. » Il dit, « Mais, je dis, base pas ton croyance de Dieu ou de Jésus sur nous, parce que je vais faire quelque chose qui va te décevoir à un moment donné. » Il dit, « Jésus est d'autre que ça. » Mais si, pour être capable de parler si intimement avec cette jeune-là, ça a pris beaucoup de petites choses pour être capable de rendre là. C'est toute une fondation de petites choses que ça a pris pour que je sois capable de parler dans sa vie de cette façon-là. Et puis, si dans le verset 10, c'est celui qui est digne de confiance dans une petite affaire était aussi digne de confiance dans une grande. Cette jeune-là voyait que Myriam et moi, on était dignes de confiance dans les petites affaires. Alors, il a ouvert la porte pour qu'on soit digne de confiance dans une grande. Mais le reverse est aussi vrai. Là. Celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si, comme chrétien, on ne prend pas le temps de faire la petite affaire, on n'a pas droit de parler dans les grands. Et puis souvent, on oublie ça. On oublie comment c'est important les petites affaires. On oublie comment juste de prendre le temps de prendre un café avec quelqu'un, ou de le temps de jaser sur n'importe quoi est vraiment important aussi. Dans nos églises, on a pris le message de l'Évangile, puis on a pris le message et puis on a un peu séparé de l'application. Puis pour moi, je crois que dans la parole, Dieu n'a jamais séparé le message et l'application. C'est toujours, toujours ensemble. Puis on voit partout dans l'Évangile là, que c'est ensemble. Il y a un mystère dans la parole de Dieu, dans Jean 1, qui parle que la parole est devenue chair. Et puis, au premier, il y avait la parole, et puis la parole était tout, et créait tout. Puis là, la parole devient chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste le message, il y a l'application aussi. Ça vient ensemble, là. Il y a les deux ensemble. Quand en Jacques, qu'ils disent que la foi sans les œuvres est morte, le message sans l'action, c'est toujours ensemble. Et puis même en Matthieu 25, qu'il parle de le jour de jugement. Et puis c'est un des seuls passages qui nous donne une photographe sur le jour de jugement du Seigneur. Et puis, c'est quoi les critères pour entrer au ciel? C'est quand tu m'as visité, quand j'étais malade, puis tu m'as visité, j'étais en prisonnier, que tu m'as visité, j'avais froid, puis tu m'as donné des vêtements, j'avais faim, puis tu m'as donné quoi à boire, soif, puis tu m'as donné quoi à boire. C'est les seuls critères qu'on a dans cette photographe de rentrer au ciel. On voit souvent que l'Évangile, le message de l'Évangile n'est jamais séparé de l'action. On ne peut pas, quand on fait, on diminue l'Évangile quand on fait ça. Si on a les actions sans les messages, l'Évangile est diminué. Mais quand on a les messages sans les actions, le message est diminué aussi. Alors, il faut que toujours, toujours, les deux soient ensemble, ce soit incomplet. Alors, c'est ça un peu l'encouragement que je veux vous donner. Comme je dis, c'est fait depuis 1998 que notre ministère est soutenu par l'Association d'Églises Baptistes de Québec ici, qu'on a plein de différentes églises, les différents individus qui nous soutiennent. Et puis, on vous remercie beaucoup. Parce que sans vous autres, sans le partenariat avec vous autres, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas être une parole dans la vie d'un jeune de la rue, là, une soirée foire l'hiver. On ne peut pas être un exemple de l'Évangile dans un centre pour les travailleurs de sexe dans le village gay. Si ce n'est pas pour vous autres qui nous soutient en arrière. Et puis, on a toujours besoin de soutien. On aime de lancer les défis dans les églises, que si on a une famille ou des individus qui aimeraient être partenaires avec nous pour 25 $ par mois, vous pouvez venir nous voir et puis on t'explique comment vous pouvez faire en arrière. Aussi, il faut penser, on réfléchit sur aussi de former puis d'avoir les autres là, qui vont nous suivre, qui vont travailler avec nous et puis qui vont venir avec nous. Et puis c'est difficile quand on trouve quelqu'un qui veut être avec nous. C'est de chercher le soutien, c'est quelque chose qui est très difficile, le soutien financier. Alors on aimerait même commencer de ramasser un fonds qui peuvent être un fond de base pour aider d'avoir quelqu'un qui vient former puis travailler avec nous. Alors, s'il vous plaît, réfléchir là-dessus, prier là-dessus, puis si jamais vous êtes intéressé, viens nous voir en arrière, on aimerait vous parler. Voilà. Merci beaucoup.